toutes tes nuits à noircir les feuilles, à noircir les feuilles de mes pensées. Arracher des morceaux de ma vie, comme on déchire les pages d'un cahier. Au loin, je les ai laissés partir, je les ai laissés s'envoler. Partir à tous les vents, partir de tous les côtés. Et tous ces inconnus qui les ont rattrapés ne connaissent de moi qu'une infime partie de mon infinité. Et je cherche encore. On paye sa vie à les chercher, on meurt d'envie de retomber, tomber en amour. On se rattrape et puis on devient vieux à tomber, tomber, tomber, tomber, tomber, tomber. Et moi je cherche encore. Tomber, tomber en amour. On se prend le cœur pour vivre à deux. On se rattrape et puis on devient vieux à tomber. Sortir du chemin qui me conduit dans la poussière, me retient et me fait taire le long des saisons sans lumière. Pour me sortir des sommeils qui vont mentir jusqu'à offrir des paradis qui n'étaient rien que terre brûlée sans lendemain. Pour pardonner tous ces remords qui n'ont jamais crié colère, même sur les toits d'outre-mer, ivre mort à guetter l'aurore. Pieds nus dans la rosée et plus rien à faire. We'll be right back. comme la guerre, il est vieux comme la terre. C'est un mur entre l'homme et l'enfant. Nous qui nous sommes pourtant ni tout à fait noir, ni tout à fait blanc, partout pareil sous le vent. Ni tout à fait noir, ni tout à fait blanc, partout pareil dans le sang. De s'afficher à ses côtés. Non, il n'est pas qu'un vieux rêve. Il est aussi ce qu'il a semé. Ce qu'on veut n'a pas d'odeur, de sang, de race ou de religion. Tous nos espoirs sont à l'heure. Une cité libre sans cloison. On ne peut pas s'isoler, ni rien qui nous renferme. Que notre volonté soit citoyenne, soumise à la seule race humaine.